aujourd'hui nous allons parler épidémiologie. C'était vendredi dernier la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis plusieurs années, les données épidémiologiques pour la France se suivent et se ressemblent, soit environ 6000 séroconversions par an et toujours une prévalence très forte dans deux groupes de la population, les hommes homosexuels et les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Tandis que du côté de la recherche, certaines pistes thérapeutiques sont certes prometteuses mais n'aboutissent pas encore à des résultats probants, on peut se demander si en France en 2017, la fin du sida est possible. VIH en France, une épidémie à deux vitesses, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'ensemble de ces questions, aussi bien en termes d'épidémiologie que de recherche et de prévention, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Constance Delogère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, également professeure de virologie à l'université Paris Diderot et ancienne présidente du comité scientifique et médical du SIDAction. Également bonjour François Berdougo. Bonjour. Vous êtes référent pour la réduction des risques, le VIH-SIDA et les hépatites virales au sein du conseil d'administration de Médecins du Monde, co-auteur avec Gabriel Gérard de ce petit livre qui vient de paraître il y a peu de temps, La fin du sida est-elle possible, aux éditions textuelles. Et vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour sur les ondes et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Est-ce qu'en France en particulier, et peut-être qu'on vous allez nous le dire, peut-être qu'on peut étendre aux pays d'Europe occidentale en général, est-ce que l'épidémie de VIH est de facto devenue une épidémie à deux, voire à trois vitesses, Constance Delogère? Alors c'est une épidémie qui est effectivement extrêmement stable, vous l'avez dit, où après avoir vu une baisse en 2010, on a des chiffres extrêmement stables de 6000 à peu près nouvelles contaminations par an. Ce qui est troublant puisqu'on a énormément de moyens, en France particulièrement, pour dépister, pour traiter et pour soigner les gens. En revanche, en Europe, ça peut être très différent. Donc vraiment, la France a une caractéristique particulière dans la mesure où on a des chiffres très précis. Notre épidémiologie est très connue. On a une agence, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui encadre tout ça, et des groupes de chercheurs qui permettent d'avoir des chiffres d'estimation très précis. Et malgré cela, malgré la connaissance des groupes à risque, malgré la connaissance de quand est-ce que ces gens s'infectent. Alors, soyons un peu précis. Par exemple, on peut savoir, en suivant l'épidémiologie, que certains groupes, comme les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, s'infectent, en fait, ont des épidémies récentes, c'est-à-dire c'est incident. Ils s'infectent toujours de nouveau. Et donc, ce sont des gens, des fois, ils sont infectés, ils ne le savent pas, ils viennent de s'infecter. À la différence, il y a des groupes comme des patients venant d'Afrique subsaharienne qui sont infectés depuis très longtemps et qui ne sont pas dépistés. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et ces groupes-là, d'Afrique subsaharienne, eh bien, grâce aux études que l'on a faites, on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'arrivaient pas du pays infecté. Probablement, ils s'infectaient ici, en France, dans les premières années de migration et de précarité. Mais ils étaient infectés depuis longtemps et n'allaient dans aucun moyen, ni de dépistage, ni de prise en charge. Donc, tout cela, la recherche nous permet vraiment d'essayer de décrypter notre épidémiologie. Et je crois que la France est assez spécifique à ça, c'est-à-dire des très bons chiffres et la caractérisation de l'ensemble des populations. On va rentrer un peu plus avant dans ces chiffres et dans ce qu'ils nous disent sur les âges, sur le moment du dépistage par rapport à la séroconversion. Mais un mot tout de même, François Berdougo, sur cette notion d'épidémie à deux, voire à trois vitesses. Est-ce que effectivement aujourd'hui, il y a deux grands groupes qui sont plus concernés que la majeure partie de la population et que cette double ou cette triple vitesse peut expliquer peut-être une partie de la réaction ou des comportements de certaines fractions de la population, je ne sais pas. Oui, alors, effectivement, c'est vrai que c'est une épidémie qui est dite concentrée dans certains groupes de population, à la différence d'autres pays qui sont d'ailleurs assez peu nombreux dans le monde, dans lesquels elle est dite généralisée. Concentrée, c'est-à-dire que les nouveaux cas incidents dont parlait Constance Delogère surviennent dans certains groupes très précis de la population. Peut-être, c'est le moment de dire en introduction que si nous avons vécu à une certaine époque sous un slogan qui disait que le sida nous concernait tous, c'était peut-être une fiction, à la fois scientifique et politique, sociale, dirons-nous, sur laquelle je ne porte pas de jugement, qu'il y avait un objectif de mobilisation, et je pense que c'est, de fait, aujourd'hui, la mobilisation est toujours à l'ordre du jour, mais finalement, cette épidémie a probablement toujours été concentrée dans certains groupes de population en France, alors avec un groupe qui a disparu, entre guillemets, quasiment des radars de l'épidémiologie quand même, ce sont les usagers de drogue par voie intraveineuse qui aujourd'hui représentent moins de 1% des nouvelles infections tous les ans, voilà, néanmoins... En France, hein. On précise que c'est nos chiffres français, non mais c'est important de le préciser. Oui, voilà. Non mais vous avez raison. Vous avez dit, on fait une émission sur la France, oui. et vous avez raison, c'est en France, parce que effectivement, chez Médecins du Monde, pardon, on travaille beaucoup sur les questions de réduction des risques liés à l'usage de drogue et donc de, disons, enjeux infectieux, on va le dire comme ça, VIH, hépatite C, et bien sûr, il y a des pays dans lesquels l'usage de drogue par voie intraveineuse est le principal facteur de transmission du virus, mais c'est pas le cas en France. Alors, on va rester, étudier un peu cette épidémiologie, parce qu'on va voir qu'encore une fois, elle correspond à des réalités évidemment socio-culturelles très très différentes. Aujourd'hui, est-ce que, je parle sous votre contrôle hein, à l'un et à l'autre, Constance Delogère, c'est 40% d'HSH, donc HSH c'est pour hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 40% de population d'Afrique subsaharienne, et puis le reste effectivement vraisemblablement des hétérosexuels plus diversifiés, mais deux grands groupes majoritaires en tout cas. Oui, absolument. Deux grands groupes avec vraiment une épidémie très différente, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont pas du tout le même accès ni aux soins ni à l'information. Et je crois que ça, c'est important parce qu'on est là aussi pour informer les gens et pour essayer de toucher les populations. Parce que dans le groupe des HSH, par exemple, ne serait-ce que l'acronyme HSH, on a arrêté de dire homosexuel pour pouvoir ouvrir justement aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, sans forcément qu'ils soient d'une communauté et qu'ils appartiennent à une communauté. Parce que ça, on pense que, justement, ça ciblait trop. Et il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et qui sont, pour autant, qui ont aussi des rapports sexuels avec les femmes. Et ils sont plus à risque. Et donc, c'est tous ces mots-là, vraiment, le VIH nous a permis d'essayer d'être fin et d'essayer d'approcher et de pouvoir concerner tout le monde pour que, en communication, on puisse vraiment attirer ces gens au dépistage avant tout. Et dans cette première partie, je crois que ce mot est important, ce fameux dépistage, cet accès à savoir et connaître sa séropositivité. Oui, parce que c'est une autre des constantes, hein, c'est qu'on estime, alors vous allez peut-être m'expliquer l'un et l'autre comment on arrive à ce chiffre-là, mais l'estimation du nombre de personnes qui vit, qui est séropositif sans le savoir, en France, c'est autour de 25 000. Et là non plus, on pense que ce chiffre n'a pas bougé depuis les 10 dernières années, grosso modo, François Verdugo. Disons, il a régressé un peu, mais marginalement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5 ans, on disait qu'on était plutôt à 30 000 personnes, aujourd'hui à 25 000. Et ces derniers temps, quand on nous demande, mais alors les nouvelles découvertes de séropositivité, qui est en fait le chiffre que vous avez donné au début de l'émission, à peu près 6 000 par an, ne bouge pas. Et donc c'est inquiétant. En fait, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'on serait très heureux si dans les années qui viennent, on n'était pas à 6 000, mais à 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 découvertes de séropositivité, je précise bien. Parce que du coup, ça voudrait dire que cette épidémie non diagnostiquée, elle régresse pour le coup. Et que donc la part des personnes vivant avec le VIH qui se savent séropositives et qui sont, on l'espère, inscrites dans le soin et dans un traitement, s'accroît. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est là que les efforts se portent. Je reviens au premier point que vous abordiez, parce qu'effectivement, avec les deux grands groupes dont nous parlons, on est à 80% des nouvelles découvertes, et puis probablement pas très loin des nouvelles infections. Donc, épidémie concentrée, ben, il reste quand même 20%. Mmh. Donc, effectivement, comment on met en œuvre des stratégies qui permettent à la fois de cibler les interventions, qui à la fois continuent à assurer une couverture populationnelle très large, parce qu'il y a 20% de personnes qui ne font pas partie de ces groupes épidémiologiques. Oui. Non, juste pour décrypter ce que veut dire épidémie cachée, donc on est dans une infection. Hein. Le VIH est un virus qui se transmet sexuellement. Et donc, qui peut transmettre, en fait ? Les gens qui peuvent transmettre, ce sont les gens qui ne sont dépistés, traités et en échec de traitement. Il se trouve qu'en France, ce nombre est considérablement réduit, puisque les gens sous traitement répondent bien au traitement et sont moins infectieux. On a une proportion du nombre de personnes aujourd'hui qui ne répondent pas aussi aux antirétroviraux, etc. 10%. 10%. Donc on connaît très bien notre épidémiologie. Mmh. On est à 150 000 estimés de gens infectés en France. Mmh. Sur ces 150 000, il y a 90% qui sont dépistés. 80%, pardon, dépistés. Il y a des gens qui sont dépistés et qui sortent du système de soins. Ils sont estimés à 10 000. C'est-à-dire, on ne sait pas où ils sont. Et ce n'est pas parce qu'ils ont déménagé. C'est une enquête nationale, on connaît très bien. Ils sortent du système de soins, ils ne restent pas dans le système de soins. Donc, cela, il faut les capter. Il y a ceux qui viennent de s'infecter. Donc, ça, c'est la primo-infection. Et alors là, l'infection a pu se passer il y a 10 jours, 15 jours. Voilà, ils ne sont absolument pas au courant. Ils ne ressentent pas les signes. Et puis, il y a ceux qui sont infectés depuis 5, 6, 7 ans. Ils vont bien, ils sont asymptomatiques, il n'y a pas de symptômes. Ils ne se sentent pas concernés et ils ne viennent pas au dépistage. Donc on est en train d'essayer de capter tous ces gens et cette estimation, elle est certes complexe, elle est sous une méthode de rétro-calcul un peu complexe, mais on essaye de capter toutes ces personnalités-là et toutes ces personnes et donc de proposer le dépistage à ces différentes personnes. François Berdougou. Oui, je rebondis sur ce que dit Constance, parce que le processus qu'elle décrit, donc effectivement maladie infectieuse, en tout cas un virus qui circule dans la population, là, si on adopte un discours un peu méta-analytique de la situation, donc voilà, c'est le statut de cette infection. Une maladie infectieuse. C'est intéressant de consacrer une émission à la question épidémiologique, parce que dans les stratégies qui aujourd'hui sont d'actualité à l'échelle mondiale et aussi en France, il y a eu clairement un tournant épidémiologique ces dernières années, au sens où on est de plus en plus dans des stratégies populationnelles qui sont fondées sur ce dont parlait Constance, c'est-à-dire le caractère préventif des traitements antirétroviraux pris par les personnes séropositives. Donc dès lors que, en l'absence d'un vaccin, on n'a pas d'outils... on a des outils qui permettent de prévenir la transmission, évidemment, et on les connaît très longtemps, mais si on veut toucher à la dynamique de l'épidémie en population, aujourd'hui, la pierre angulaire de cette stratégie, ce sont les traitements antirétroviraux en l'absence d'un vaccin. Donc on voit bien que ce dont parle Constance, c'est effectivement identifier des personnes vivant avec le VIH, les accompagner dans le soin, les maintenir dans le soin, proposer un traitement, et de fait aujourd'hui, la quasi-totalité des personnes prennent un traitement, en espérant bien sûr un bénéfice individuel, et aussi beaucoup, beaucoup aujourd'hui un bénéfice collectif. Donc il y a eu un changement de paradigme, on peut dire, dans les 10 dernières années, qu'il est intéressant de creuser aujourd'hui. Et on va voir que ce bénéfice collectif suite au traitement, c'est ce qu'on appelle le TASP, le traitement comme prévention, qui fait en sorte, et il faut le repréciser ici, que quelqu'un qui est séropositif, qui est traité, qui répond au traitement, n'est plus contaminant. Donc il y a un effet effectivement de propagation sur le reste de l'épidémie. On va voir qu'il y a certaines villes qui ont, grâce à d'autres méthodes, notamment des méthode prophylactique, réussit à faire chuter de manière assez significative le taux de contamination. On pense à San Francisco, à Londres, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'on redise encore quelques mots. Ces chiffres de l'épidémiologie recèlent encore quelques informations intéressantes. Une information qui, à titre personnel, m'a surprise en préparant l'émission, c'est le dépistage extrêmement tardif de plus d'un cas sur quatre. Est-ce que vous pouvez me dire un mot de ce que ça signifie ? Oui. Donc ça veut dire que ce dépistage est considéré comme tardif parce que soit on le dépiste suite à une infection opportuniste grave, une tuberculose, un lymphome, c'est un cancer, une infection pneumologique, soit avec un taux de CD4 qui sont la cellule cible du virus, bas, un taux de CD4 normal est autour de 1000 et on dépiste encore pratiquement... Voilà, un tiers des gens avec un taux de CD4 en dessous de 350, donc très immunodéprimés. Ce qui nous permet d'estimer que ces gens sont infectés depuis 8-10 ans et qui n'ont pas eu recours au dépistage. Soit on ne leur a pas proposé, soit, je vous rappelle que le dépistage en France est volontaire, soit ils ne sont pas allés d'eux-mêmes chercher l'information. Et ça, c'est des points importants. Et est-ce qu'on a une approche sociologique de ces dépistages tardifs ? Est-ce que ça correspond plus à un groupe qu'à un autre ? Alors justement, c'est assez mélangé parce qu'il y a à la fois, on parlait tout à l'heure de certaines populations migrantes exclues et finalement dans un certain danger sanitaire, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas accès à des systèmes de soins, ils arrivent aux urgences très épuisés. Mais il y a aussi des gens très concernés qui vivent dans des grandes villes, qui appartiennent au groupe HSH, donc hommes ayant un rapport sexuel avec les hommes, qui sont cadres, etc. Et dont certainement la peur, la stigmatisation, l'angoisse que procure ce diagnostic est toujours un frein, réellement, alors qu'ils sont informés des bénéfices du traitement, des bénéfices de ne plus contaminer. Voilà, et je crois que ça s'ajoute de l'intime et c'est extrêmement compliqué. Et pour cela, on a déployé, on peut en parler tout à l'heure, si vous voulez, vraiment de nombreux outils de dépistage qui permettent d'aller chercher justement les gens là où ils sont. On va y venir, on va poser, hein, parce qu'elle est intéressante cette question du dépistage, où on a l'impression qu'effectivement le dépistage est de plus en plus accessible, qu'il y a de plus en plus de méthodes de dépistage, et François Berdougo, vous le disiez tout à l'heure, malgré tout, on n'a pas plus de dépistage manifestement dans ces chiffres de dépistage positif, on va essayer de comprendre pourquoi. Un mot encore, et puis on sortira des chiffres après, sur la séroconversion des personnes relativement jeunes. Elle se maintient, elle progresse, François Berdougo. Mes derniers chiffres, les chiffres de 2016, parlent de 10% des personnes qui se séroconvertissent, qui ont entre 15 et 25 ans. Oui, c'est un phénomène qui bouge assez peu, en fait, de façon marginale. La question de la prévention, de l'information, au-delà de ça, de la conscientisation. Parce qu'il y a un processus de cet ordre-là dans les groupes les plus exposés, ou en tout cas, il devrait y avoir un processus de cet ordre-là, à la fois collectivement et individuellement, de conscientisation de l'exposition au risque. C'est un chantier toujours ouvert, c'est-à-dire j'ai 38 ans, j'appartiens à une génération qui a été très exposée à l'information, à la prévention dans la décennie 90, bon, pour des raisons que chacun connaît, hein. Le pic de mortalité, c'est 93-95, donc c'est... Voilà. Néanmoins, c'est une affaire sans cesse à recommencer. Alors, comment ça ? À la fois de façon ciblée, on l'a dit, dans les groupes les plus exposés, et puis probablement aussi en population dite générale. Et ça passe par des démarches et des stratégies, probablement plus en centrées sur la santé sexuelle et reproductive au sens large du terme, parce que les questions de VIH et des autres IST sont une part intégrante des questions de santé sexuelle et reproductive. Et là-dessus, il faut dire que s'il y a eu des avancées au début des années 90 du côté du ministère de l'Éducation nationale, mais comme dans l'ensemble de la société, eh bien, on a du mal à inscrire structurellement la prise en compte de ces questions de santé sexuelle à l'école, dans les milieux de travail, etc. Et ça, c'est un obstacle politique, moral, moralisant, parce que parler de sexualité à des jeunes, c'est toujours sulfureux, semble-t-il. En tout cas, c'est mal accepté, a fortiori, par ailleurs, dans un contexte que nous connaissons bien depuis ces dernières années, où certaines forces réactionnaires s'expriment de façon très violente et très visible, en tout cas sur les questions de genre, sur les questions, mariage pour tous, évidemment, on l'a connu, mais tout ça, c'est le même pack, enfin, c'est les mêmes questions, en fait. Donc il y a un besoin de mobilisation politique et de dire, en fait, ce sont des questions de santé publique. Et c'est à ce titre-là qu'il faut aborder les questions de sexualité et de santé sexuelle. Et on voit hein, dans plusieurs enquêtes qui ont été menées pour cette journée mondiale de lutte contre le sida qu'il y a encore des niveaux d'information sur les modes de transmission du VIH et notamment chez les jeunes qui sont parfois un peu compliqués. Ce qui nous a intéressé, c'est précisément de les voir comment faire entrer la prévention de façon efficace dans un parcours, pourquoi pas dès le collège collège ou le lycée pour endiguer des séroconversions dites précoces. C'est un vaste problème. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé voir comment l'association SIDAction s'y prend pour essayer de maintenir un certain niveau de connaissance et d'information chez les 15-24 ans. Oui, SIDAction a lancé un concours de vidéos qui s'appelle VIH Pocket Films, un concours ouvert à tous jusqu'au 31 janvier 2018 et qui s'adresse aux jeunes, aux 15-25 ans, qui souhaitent réaliser un mini-film de 3 minutes maximum, parlant du VIH, de prévention, de perception de la maladie, mais aussi de discrimination. Pour Florence Thune, qui est directrice générale de SIDAction et qui m'a reçu, ce qui compte avant tout, c'est que les jeunes parlent aux jeunes et que toute la diversité de ce groupe qu'on appelle les jeunes, parfois de façon un peu floue, soit représentée dans ces courts-métrages. On a encore 10% de jeunes qui découvrent leur séropositivité chaque année, entre 15 et 25 ans. C'est un chiffre qui a un petit peu baissé par rapport à l'année précédente, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui reste encore trop important. Et nos défis, effectivement, c'est de pouvoir toucher les jeunes dans leur diversité, parce qu'on parle souvent des jeunes, et effectivement on sait qu'ils sont très divers. Donc on veut à la fois toucher les jeunes en dehors des milieux scolaires, notamment avec le VIH Pocket Film, qui est un concours qui permet de faire de la sensibilisation sur le VIH entre pairs, et puis de poursuivre ce qu'on fait déjà depuis très longtemps, de la prévention auprès des jeunes, alors jeunes adultes, on va dire un peu 18-20 ans, 25 ans, qui fréquentent notamment les associations communautaires sur le terrain, et notamment des jeunes gays. Et ça, on continue de le faire en termes de prévention, en finançant des associations qui le font directement sur le terrain. Alors, on va parler un petit peu plus de ce concours du VIH Pocket Films. Est-ce que vous pourriez me dire depuis quand ça existe, combien il y a eu à peu près de participants dans les éditions précédentes, quelles sont les conditions en fait pour participer à ce concours-là, quel format de film, etc. Alors, c'est un concours qui est ouvert en ligne, donc qui est ouvert à la fois à des jeunes qui peuvent le réaliser des films en milieu scolaire, mais aussi en milieu extrascolaire. Il suffit en fait de présenter une vidéo de moins de 3 minutes et de nous l'envoyer, en tout cas de la télécharger sur le site. Il y a 2 ans, nous avions eu, puisque c'est un concours qui existe tous les 2 ans, nous avions eu une centaine de vidéos et un jury qui est composé de personnalités des médias, du domaine de la vidéo, de la lutte contre le sida, juge, note ces vidéos. Et 10 vidéos sont sélectionnées parmi les 10 meilleures. Et il y a une gagnante, plus un prix des internautes qui peuvent aussi voter pour une des vidéos. Et on insiste sur le fait que, bien entendu, on est centré sur la question de la lutte contre le VIH, mais on encourage aussi les jeunes qui souhaitent faire ces vidéos à élargir les thématiques en parlant de lutte contre les discriminations, aussi de sexualité, aussi côté plaisir, parce qu'on parle aussi beaucoup de la sexualité côté risque. Et je pense qu'à bout d'un moment, ça doit aussi quelque part être oppressant. Et je pense que c'est important aussi de revenir sur la question de la sexualité comme un plaisir et prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, et on revient sur les questions de prévention. Alors, ce qu'on essaie de développer depuis 1 ou 2 ans, c'est, on parlait de connexion tout à l'heure, on essaye de développer des petits messages de sensibilisation en utilisant justement les réseaux sociaux, notamment Twitter, Insta, Facebook, pour pouvoir justement passer des petites pastilles d'informations un peu ludiques aussi pour parler de la question du VIH en des termes aussi clairs que possible, parce qu'on a tendance, parfois nous acteurs de la lutte contre le sida, de parler en termes techniques et de jargonner, mais voilà, de passer des messages clairs sur les questions du VIH, et évidemment en utilisant les réseaux sociaux. Ouais. Le sida continue de tuer, on en parle parfois un peu moins. Quels sont du coup les grands défis de la prévention aujourd'hui ? Les grands défis de la prévention aujourd'hui, pour les jeunes mais pour les moins jeunes également, c'est de pouvoir encourager les personnes à aller vers le dépistage. Alors c'est toute la difficulté à la fois de pouvoir passer des messages qui se reposent aussi sur une question de risque en disant attention, si vous êtes contaminé par le VIH, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, si vous apprenez votre séropositivité, ce n'est pas non plus la fin du monde, parce qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment de vrais progrès. Et donc, on veut vraiment encourager jeunes et moins jeunes à connaître son statut, parce qu'effectivement, une fois qu'on connaît son statut sérologique, et notamment s'il est positif, ça permet à la fois de prendre soin de soi, de sa santé, et aussi de protéger les autres, puisqu'on sait maintenant que la bonne nouvelle, c'est que les traitements permettent aussi d'empêcher la contamination, la transmission du VIH à son partenaire. On a beaucoup parlé des jeunes jusqu'à présent, mais les jeunes ne sont pas les seuls touchés par le VIH. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, effectivement. De nouveau, cette année, 6000 personnes ont découvert leur séropositivité. Comme les années précédentes, c'est un petit peu baissé. On parle beaucoup des jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que les plus de 50 ans sont aussi concernés, puisque parmi les hétérosexuels qui ont appris leur séropositivité en 2016 notamment, 37% ont plus de 50 ans. Donc c'est un message important à rappeler en disant: les jeunes, protégez-vous, mais les plus âgés aussi. N'oubliez pas que le préservatif est toujours là. Voilà le reportage du jour qui ne concerne donc pas que les campagnes de prévention à destination des plus jeunes, mais aussi des plus de 50 ans, comme on vient de l'entendre. Ça pose la question, une question que vous abordez dans votre livre, hein, François Berdougo, la question de, alors pas d'un dépistage obligatoire, mais d'un parcours de dépistage au cours de la vie. Comment se fait-il que les pouvoirs publics n'aient pas pris ça à bras le corps, parce que finalement ça pourrait être assez simple à effectuer, à mettre en place à la médecine du travail, dans les infirmeries scolaires? Bref, d'être comme ça, d'avoir, de, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement de faire baisser cette épidémie silencieuse pour pouvoir avoir véritablement un regard sur l'ensemble de la population. Ça pose des questions éthiques aujourd'hui, des questions morales qui font que ça ne peut pas être mis en place. La question d'une généralisation ou d'une systématisation du dépistage, elle est au cœur du renversement dont je parlais tout à l'heure, qui est lieu dans les 15 dernières années. Effectivement, le constat qui a été fait après 96, c'est les traitements sont efficaces, il faut que les gens en bénéficient, donc le dépistage va devenir le point d'ancrage de l'ensemble des stratégies. Aujourd'hui, on l'a redit, c'est évidemment un point cardinal à la fois pour les personnes elles-mêmes et la dynamique de l'épidémie. Bon, il se trouve que dans les stratégies qui sont mises en discussion hein, depuis 15 ans, il y a effectivement la routinisation ou la banalisation dans le système de santé du dépistage du VIH. Force est de constater que c'est pas le cas aujourd'hui, et c'est la question que vous soulevez. Globalement, les questions de prévention sont plutôt le parent pauvre du système de santé français. Et ça c'est une première difficulté, je dirais, à la fois organisationnelle et culturelle chez les soignants et les acteurs du système. Et puis, effectivement, ce serait assez simple, en fait, vous avez raison, d'inscrire ce dépistage à plusieurs moments clés de la vie et dans une perspective, effectivement, que ce soit un acte banal qui, donc, d'une part, fasse diminuer le stigmate dont parlait Constance Delogère pour les personnes, que ce qui n'est pas d'obstacle ou moins d'obstacle mental, et puis ensuite, effectivement, de progressivement, on espère, réduire ce réservoir de contamination non diagnostiquer. Les obstacles aujourd'hui, c'est que quand même, globalement, la médecine scolaire est en déshérence, mais elle est en déshérence parce qu'on lui donne pas de moyens. La médecine du travail, c'est pas tellement mieux. Donc, voilà, les PMI, donc la protection maternelle et infantile, qui est quand même un socle d'accès aux soins et à la santé pour un certain nombre de populations, notamment sur des questions, évidemment, maternelles et infantiles, comme leur nom l'indique, sont pas non plus en bonne situation. Donc, et puis, du côté de la médecine de ville, l'organisation de l'activité n'est pas toujours propice à la prévention et à des actes comme tels. Pourtant, voilà, ça ne serait probablement pas compliqué. Pourtant, Constance Delogère, les outils à disposition, justement, les outils de dépistage sont de plus en plus variés, il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a les autotests qui sont vendus en pharmacie, il y a ce qu'on appelle les TROD, qui sont les tests rapides, qui sont faits des actions ciblées sur les communautés à risque, que ce soit HSH ou que ce soit sur les communautés de migrants. Comment expliquer qu'avec cette multiplication des outils de dépistage, le taux de dépistage ne soit pas meilleur tel que les chiffres de 2016 viennent de nous montrer? Alors le taux reste important, on fait plus de 5 millions de tests par an, etc. Mais en fait, on ne cible pas les bonnes personnes. C'est probablement ça le problème. Donc en fait, la Haute Autorité de Santé, elle a un petit peu revu à jour la méthode de dépistage et la stratégie de dépistage. Autrefois, elle disait tout le monde une fois dans la vie, entre 18 ans et 77 ans, comme Tintin à peu près. Et puis, ceux qui sont à risque, bien sûr, plus souvent. Là, elle a un petit peu changé. Et d'abord, elle dit les personnes à risque, et en particulier les plus exposées, comme les HSH, c'est répété. Et là, la répétition, elle est proposée tous les 3 mois. Donc là, on est pour les gens qui s'exposent. Évidemment, c'est pas parce qu'on est HSH, et si on s'expose pas, il n'y a pas de souci. On vit avec son partenaire, on sait qu'on est séronégatif. Mais à partir du moment où il y a une exposition, il y a une prise de risque, répétez le dépistage. Ensuite, d'autres populations, comme les gens venant, des gens qui ont des rapports sexuels aussi, mais pas HSH, même les femmes, les prostituées, etc., elles travaillent du sexe, une fois par an, est important, ou effectivement, s'il y a eu des risques, plus fréquemment. Donc, on insiste sur la répétition. Ensuite, on insiste sur un point important pour moi, c'est que le personnel de santé, mais tout personnel de santé, doit proposer le dépistage. Et vous pouvez pas savoir le nombre d'opportunités manquées de dépistage. Et c'est pour ça que je retiens vraiment votre idée, mais très intéressante, sur le parcours du dépistage. Je trouve que ça serait vraiment, mais vraiment, de façon instaurée, et je crois qu'aujourd'hui, on a parlé de santé sexuelle, on essaye d'arrêter de parler de VIH, mais de parler des IST en général. Mmh. Parce qu'il y a un taux d'infections sexuellement transmissibles très élevées dans notre pays, sur les chlamydia, sur les gonorrhées, avec des conséquences dramatiques de stérilité, etc. L'hépatite B, l'hépatite C. Qui sont autant de portes d'entrée par ailleurs au VIH. Absolument. Donc tout ça doit s'ouvrir et on doit mettre des structures en place pour ça. Et alors, juste pour finir, donc vous avez dit, je crois que le VIH, c'est un modèle de ce qu'on a déployé comme outil. Puisqu'aujourd'hui, on peut acheter un autotest en pharmacie pour une maladie qui, il n'y a pas si longtemps, fallait faire 3 tests dans un laboratoire et 4 mois. Donc vraiment incroyable. Mais là, on est en train d'évaluer avec Santé publique France et soutenu par l'Agence nationale de recherche sur le sida, un kit de prélèvement qu'on envoie chez les gens qui se mettent sur des bannières, enfin, qui sont attrapés par des bannières web. Et on leur envoie tout le dépistage de toutes les IST. Un petit pot pour mettre de l'urine, un petit tube pour mettre un peu de sang, quelque chose, un petit écouvillon pour gratter la gorge. Ils mettent tout ça chez eux dans l'enveloppe, c'est prépayé et ils envoient ça. Et le laboratoire, là, en l'occurrence pour l'expérience parisienne, ça sera nous. Et on reviendra à eux, suivant ce qu'ils ont coché. Mon médecin traitant, une structure type Cégide ou par téléphone. Et je veux recevoir l'information comme ça. Et donc vraiment des nouveaux moyens. Donc on est sans cesse en train de... des centres de santé sexuelle ouverts plutôt à destination de public communautaire. Donc on essaye vraiment de déployer ces outils pour essayer de capter tout le monde et de effectivement d'offrir clairement un programme de santé sexuelle. François Bardougou. Oui, c'est effectivement ce que dit Constance, c'est central, c'est à tous les échelons, à tous les niveaux du système de santé, cette pratique doit se banaliser, se routiniser et être proposée systématiquement. C'est vrai que récemment, on nous dit, mais alors, si c'est tellement super le dépistage et le traitement, dépistons systématiquement. Non, c'est-à-dire de façon obligatoire. Non, ça, on va tenir bon. D'un point de vue éthique, nous espérons, et aucun acteur de la lutte contre le sida ne défend le dépistage obligatoire. En revanche, la notion de parcours, elle est évidemment majeure, d'autant plus que le système de santé, dans son ensemble, est en train de s'organiser, en tout cas essaye de s'organiser autour de parcours de santé selon le profil des personnes. Donc oui, probablement qu'il faut aller vers ça, et effectivement les opportunités manquées, c'est majeur. Encore une fois, la médecine de ville est aussi probablement un premier étage important qui aujourd'hui ne répond pas assez. Peut-être pourquoi pas, je jette ça comme ça dans le vide, mais ça peut paraître une solution de bon sens, un TROD ou un autotest chez tous les médecins généralistes, et de dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est sorti d'un parcours de santé depuis un certain temps, un médecin qui n'a pas vu quelqu'un depuis un an ou deux, dit allez hop, pof, on en profite, on le fait, c'est vite fait, les résultats sont immédiats. Pourquoi est-ce que ce type de solution-là semble compliqué à mettre en place, Constance Delogère? Alors ça a été évalué, donc ce sont des petits tests rapides qui se font avec une goutte de sang au bout du doigt. Et finalement, la médecine générale, qui ont finalement des contraintes énormes de temps et de consultations complexes, puisqu'en gros, ils réservent 10 minutes à un patient, sauf s'il y a des situations très compliquées, n'ont pas le temps de réaliser, c'est-à-dire que la faisabilité est très difficile pour eux de réaliser ce type d'approche, et en particulier s'il y a une séropositivité qui s'avère positive, enfin une positivité du test. Et de prendre ce temps pour l'annonce de la séropositivité au milieu d'une consultation entre la bronchiolite du nouveau-né et la péricardite de la personne âgée, c'est compliqué. Et donc finalement, la médecine de ville doit proposer, mais tout le monde doit proposer, parce qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital pour se faire suivre une maladie chronique à qui on n'a jamais proposé un test de dépistage. Donc c'est un ensemble. Les, La stratégie dont vous parlez, elle va être, malgré les limites dont parle Constance, qui sont réelles, hein, va être évaluée à Paris dans le cadre d'une opération qui s'appelle Vers Paris sans sida, dont on parle beaucoup, mmh. où effectivement la stratégie de l'hôtel de ville, c'est de cibler des quartiers dans lesquels vivent les personnes des groupes les plus exposés et d'aller effectivement proposer aux médecins libéraux ces outils autotests pour qu'ils les diffusent dans leur patientèle. Bon, c'est intéressant dans un cadre comme ça, c'est-à-dire où on géolocalise, parce que c'est vraiment comme ça que ça se fait, les personnes les plus exposées à partir de calculs sociologiques dans le détail desquels je n'entre pas, et ensuite voilà, de les diffuser. Après, sur la question de l'hôpital, oui, c'est majeur. C'est majeur. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life. That you spend it all with me. The seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face. Let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the wood of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. Through all of my life, summer, winter, spring, and fall of my life, all I ever will recall of my life. Is all of my life with you. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Rien de tel qu'un petit Shirley Basset pour commencer la semaine à 16h38. Nous parlons du VIH en ce lundi, puisque vendredi dernier c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous essayons de faire un point épidémiologique un peu large sur la situation de l'épidémie en France et des obstacles qui restent pour le moment. Nous avons beaucoup parlé de dépistage d'informations. On va parler évidemment de la question du soin. Nous en parlons avec Constance Delogère, qui est virologue à l'hôpital Saint-Louis et ancienne présidente du comité scientifique et médical du SIDAction, et François Berdougo de Médecins du Monde, co-auteur avec Gabriel Girard de La fin du SIDA est-elle possible aux éditions textuelles. On attendait beaucoup de choses de ces chiffres 2016, notamment sur un sujet dont on a parlé ici même et qui commence à devenir de plus en plus connu ou de plus en plus populaire, c'est la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie, pré-exposition, puisque elle a été autorisée en janvier 2016. Donc on attendait que cette première autorisation ait un effet sur les chiffres de 2016. Or, François Berdougo, a priori, ça n'a pas eu l'impact qu'on espérait. Est-ce qu'on en connaît les raisons? Le nombre de personne. Oui, alors effectivement, il y a un espoir que cet outil, qui est un nouvel outil dans les stratégies de réduction des risques et de prévention, permette, combiné aux autres, de venir contenir, juguler la dynamique de l'épidémie. Il y a aujourd'hui relativement peu de gens en France qui sont usagers, utilisateurs tristes de PrEP. D'ailleurs, c'est beaucoup d'utilisateurs, 97% je crois, moins de 10 000 personnes. Donc, bon, pour l'instant, ça ne semble pas avoir un impact majeur, mais la concentration est très parisienne, francilienne, et la diffusion assez faible. C'est quand même probablement un des outils qui a permis à deux villes dont vous souhaitez parler, San Francisco et Londres, on y reviendra, de commencer à voir la dynamique de l'épidémie et des transmissions diminuer. Bon. Constance Delogère. Oui, juste pour avoir le même niveau d'information, qu'est-ce que c'est la PrEP et qu'est-ce que ça implique ? La PrEP, c'est donc la prise d'antirétroviraux. Et en l'occurrence, c'est deux. C'est le tenofovir et la emtricitabine. Qui sont disponibles en médicaments génériques maintenant, qui sont absolument, donc ça c'est un point important, qui sont disponibles en générique. Alors que qu'on n'est pas infecté, on prend ces molécules. Alors, il y a deux schémas. Soit tout le temps, tous les jours, un comprimé. Et c'est le modèle qui a été retenu dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Soit à la demande, c'est-à-dire autour des rapports sexuels, 2 heures à 24 heures avant le premier rapport sexuel, et puis, par exemple, si on concentre les rapports sur le vendredi et le samedi, dès le jeudi soir jusqu'au lundi, pour vraiment encadrer, et de façon à ce que le virus, s'il pénètre dans les muqueuses, il soit bloqué et il ne puisse pas diffuser et faire l'infection. Donc, il faut savoir que cette PrEP, effectivement, c'est un outil de prévention au sein d'une offre globale de dépistage. Ça ne se substitue pas aux préservatifs et aux autres possibilités. Mais ça reste complexe. Hein. Mais c'est très efficace quand on l'apprend. Très efficace. Les chiffres sont très forts. On a fait des essais. Et en France, on a vraiment fait un essai majeur qui s'appelle Hyper-Gay, où on a montré que quand les gens le prennent, c'est 97% de prévention. Nous ne sommes jamais arrivés à ces niveaux de prévention. Alors, c'est encore complexe, parce que prendre des comprimés avant, pendant ou tous les jours, c'est complexe, mais c'est un moyen unique. Et par rapport à la discussion qu'on avait tout avant, je pense que l'offre de dépistage combinée à l'offre de PrEP est aujourd'hui vraiment quelque chose qui peut attirer les gens. Parce que c'est pas simplement se dépister pour apprendre une sacrée mauvaise nouvelle. C'est si on est négatif, on peut avoir un outil majeur pour se protéger. Et si on est positif, on va rentrer dans un système de soins et là, on va être mis sous traitement et on ne sera plus infectieux. C'est-à-dire que à titre individuel, je pense que ça peut changer beaucoup. Alors, en France et à Paris, pas qu'à Paris d'ailleurs, Marseille aussi, les grandes villes, pour les HSH, il y a des très bonnes structures de centres de santé sexuelle et je tiens à vraiment souligner le centre 190 à Paris, le kiosque qui fait dans le Marais, qui font à la fois du dépistage, de la prévention, qui propose de la PrEP et qui s'adresse aux populations. En revanche, sur les migrants, il y a un travail considérable à faire. Et sur l'Afrique subsaharienne et les populations. Et là, on a ouvert un protocole qui s'appelle Prévenir en Île-de-France avec l'Agence nationale qui s'adresse, mise sous PrEP des populations. Et là, vraiment, on a un très très gros travail et capter ces populations, on se rend compte que c'est un nouveau chantier. Oui, parce qu'on se rend compte, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, François Berdougo, qu'effectivement, il y a deux villes qui sont érigées comme modèles, San Francisco, où le nombre de contaminations chez les HSH, donc chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, a été divisé par 3. Londres affiche un taux de moins 40% entre 2015 et 2016, notamment grâce à cette offre complémentaire entre la prophylaxie classique, le préservatif, et l'apparition de la PrEP. Mais la PrEP pose un problème qui est souvent soulevé et que vient de soulever Constance Delogère, c'est que elle fonctionne bien sur les homosexuels blancs CSP+. On a beaucoup plus de mal à avoir accès aux travailleurs ou aux travailleuses du sexe, aux personnes transsexuelles, aux personnes migrantes qui sont, elles, moins rentrées, moins visées, moins ciblées par ces établissements, par ces parcours de soins-là. Oui, c'est-à-dire, alors, en termes d'efficacité biologique, elle fonctionne aussi bien. Hein, oui, bien sûr. Pour qu'il n'y ait pas de doute. Mais effectivement, on en vient là aux questions qui finalement concernent l'ensemble des dispositifs biomédicaux d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en termes d'accessibilité. Là, on touche à des questions structurelles du système de santé, de son accessibilité à tous les les points de vue financiers, sociaux, culturels, etc. Et aussi, on touche aux questions de déploiement des services. S'il y a bien une chose, enfin, il y en a beaucoup, mais une qu'on retient de la lutte contre le sida, c'est la question de la mobilisation des communautés concernées et leur participation directe à la mise en œuvre des stratégies et des politiques. Sur la question du dépistage rapide à orientation diagnostique en particulier, c'est clair que ce qui permet un déploiement en dehors des structures de santé publiques ou privées d'ailleurs, ce sont les militants associatifs. Et sur la PrEP, clairement, l'implication des associations issues des communautés concernées est un enjeu majeur. Pourquoi ? Pour diffuser l'information, sensibiliser les personnes, les accompagner aussi dans cette démarche qui, comme l'a dit Constance, est une démarche à la fois très globale et donc très intéressante en termes de point de vue, en termes de santé sexuelle dans son ensemble, mais qui par ailleurs est aussi une démarche dans laquelle il faut... contraignante d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en tout cas qui engage, pardon, engageante. C'est-à-dire il faut se rendre dans un service de santé tous les deux mois où on a accès à cette offre. Donc effectivement, pour soutenir les gens, les accompagner, les informer, c'est clair qu'on a besoin aussi de structures associatives mobilisées. Et en dehors des gays ou des HSH, il en existe évidemment dans les groupes concernées, mais c'est plus compliqué. D'abord parce qu'elles ont moins de reconnaissance, elles ont aussi moins de financement, et puis peut-être que les questions de VIH, enfin, probablement même, restent frappées d'une forme de stigmate dans ces groupes. Pas beaucoup les travailleurs, travailleuses du sexe, mais les migrants d'origine subsaharienne, probablement oui. Donc ça fait partie des obstacles, c'est clair. Dans les pistes évoquées justement pour toucher ces populations, c'est de faire une offre de santé tout court en fait, pas sexuelle, mais c'est-à-dire un kit de santé qui dépiste autant le diabète, qui sont des problèmes majeurs dans ces populations, que l'hépatite B, que la santé sexuelle, et de finalement d'avoir accès à des structures très simples. Finalement, on essaye aujourd'hui, on est dans un monde qui se modernise à toute vitesse avec des outils, on parle des outils de réseaux sociaux, etc. Mais même technologiquement, aujourd'hui, on peut vous faire un micro-laboratoire pratiquement dans un food truck, quoi, dans un petit camion. Et on est vraiment en train de faire ce genre d'outils. Hein. On essaye, nous, avec le kiosque, de mettre à disposition tout pour faire... l'épistage du chlamydia, du gonos, un micro-labo, et on pourrait imaginer tout ça pour... Et donc ça se miniaturise, et on va s'approcher des populations. Alors par contre, on a des lobbies contre ça, parce que les laboratoires veulent pas qu'on délocalise la biologie, etc. Donc c'est pour nous des combats permanents, parce que si on les évalue, moi je suis une chercheuse, donc je vais évaluer ces systèmes. Si ces systèmes se montrent pertinents, parce qu'ils vont vers les populations, ils rendent de l'information et du diagnostic très rapidement, dans l'instant. Maintenant, on veut tout dans l'instant. Donc, en gros, vous avez la personne sous le nez, vous lui faites tout, elle part une heure, elle revient, et là, elle a l'ordonnance pour voir. Et un médecin pour lequel elle aura un bon pour aller sans attendre des siècles pour trouver ce médecin. C'est tout un ensemble. Et on a les moyens de faire ça, et on a vraiment les moyens de changer un peu de vitesse, quoi. Oui, François Bardou. Oui, je rebondis pour dire deux choses. D'une part, que comme depuis 30 ans, à partir de la lutte contre le sida, on repense des dispositifs de santé plus globaux. Et ça, c'est vraiment une chose qu'a apporté cette épidémie en termes d'organisation des soins. Et du coup, en termes de regard qu'on porte sur les questions de santé, c'est-à-dire que finalement, quelle que soit la porte d'entrée... en termes de questions de santé, diabète, violence, etc., les violences sont aussi une question de santé, eh bien, on va aller mettre en œuvre des stratégies de la lutte contre le sida. Mais ça nous apprend des choses plus globalement sur comment aborder des questions de santé, par exemple, dans des approches populationnelles, quand il y a besoin. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est intéressant, les expériences en pays dits en développement nous apprennent aussi beaucoup des choses sur nos propres pays riches, qui parfois se pensent comme étant les plus avancés. Non, ce dont vient de parler Constance, c'est-à-dire la délocalisation d'outils de biologie, par exemple, ça n'a pas commencé au Nord, ça a commencé dans des contextes pauvres. Pourquoi ? Pour précisément amener les dispositifs biomédicaux aux personnes. Et donc, hop, aujourd'hui, ça revient chez nous, et je trouve ça extrêmement intéressant comme processus historique. Oui, Constance de Logère. Oui, juste, je rebondis là-dessus. Dans les pays, effectivement, plus contraint. La délégation des tâches est quelque chose de très courant, avec les infirmiers qui sont vraiment au centre. Et là, clairement, dans la prévention, dont on parle depuis tout à l'heure, et dans la PrEP, l'infirmier devient vraiment une personne clé. Et finalement, puisque la personne n'est pas malade, c'est des outils de prévention. Donc quelqu'un issu de la communauté, plus un infirmier, peut faire un duo parfaitement efficace pour mettre en place vraiment une stratégie de prévention. Et donc il faut effectivement un peu moderniser notre prise en charge. Il y a quelque chose que vous dites tous les deux de façon différente, alors avec une échelle de temps un peu différente, mais c'est grosso modo la même tout de même. Vous dites, Constance Delogère par exemple, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé en 30 ans, c'est la stigmatisation de la maladie. L'image sociale du VIH a pas ou peu évolué selon vous, François Berdougo. Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, effectivement, c'est encore une maladie dont on a plus de mal à parler, dont le diagnostic est certainement plus brutal que d'autres formes de maladies qui sont tout aussi graves, voire mortelles. On pense évidemment au cancer, par exemple. Alors, d'abord, il y a le poids de 35 ans de représentation que nous charrions tous sur nos épaules, et notamment des représentations des années 80-90, et donc de cette période des années de cendre. Et elles sont avec nous et nous devons travailler avec. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie transmissible. Alors déjà, même, je devrais même pas parler de maladie, en fait. Parce que beaucoup de personnes vivant avec le VIH aujourd'hui disent « je ne suis pas malade, laissez-moi tranquille, c'est pas une maladie ». Donc l'infection, cette infection, est transmissible. Et elle est transmissible pas n'importe comment, par le sang et par les relations sexuelles. Donc ce qui quand même la singularise par rapport aux autres maladies chroniques. Et puis par ailleurs, elle continue de toucher, vous l'avez dit, nous l'avons dit, à l'échelle internationale, des groupes de population dont la situation sociale, dont la place dans la société est, disons, discutée, ou en tout cas pas toujours assurée d'un point de vue social, légal ou moral. Nous travaillons beaucoup à Médecins du Monde sur les travailleurs, travailleuses du sexe et les usagers de drogue dans des pays autre que la France, et de fait, ça fait partie des obstacles majeurs que nous rencontrons. Les questions de discrimination ou de stigmatisation ont un impact direct sur l'accès aux soins et au traitement. Dernière chose quand même, ça fait pour maintenant 10 ans qu'on est au courant du caractère préventif des traitements antirétroviraux, et c'est probablement une information que nous avons tous été réticents à diffuser très largement, je dis nous, les acteurs de cette communauté SIDA. Il est temps que ça change, parce que c'est potentiellement très lié à cette question du stigmate, parce que dès lors que, au bout de 6 mois de traitement, 1 an de traitement efficace et durablement efficace, une personne vivant avec le VIH ne transmet plus le virus lors de ses relations sexuelles, vous imaginez comment ça peut venir changer, bousculer, en tout cas on l'espère, les représentations attachées à cette infection. Un mot, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes tout de même. Alors on en a beaucoup parlé dans la méthode scientifique, notamment dans le journal des sciences du jeudi, où on suit les évolutions d'assez près de la recherche, là pour le coup, curative et thérapeutique. Il y a deux grandes pistes aujourd'hui, hein, Constance Delogère, qui se dégagent. Tout d'abord, la notion de réservoir viral, qui est centrale, c'est-à-dire ces cellules dans lesquelles le virus se cache quand on prend des antirétroviraux, et quand on arrête, eh bien, le virus ressort. On a encore beaucoup de travail de recherche fondamentale à faire pour identifier ces réservoirs viraux. Oui, alors absolument. Donc la notion de réservoir, déjà, elle se fait dès le début, hein. On sait qu'elle est très précoce. C'est-à-dire c'est probablement dans le premier mois de l'infection que le virus se cache dans des cellules qui ont une durée de vie très très lente. Et ces cellules, elles sont partout dans le corps, en particulier le tube digestif. Hein, notre estomac est rempli de cellules lymphoïdes. Tous les ganglions, dans le cerveau, voilà, dans les tissus génitaux, etc. Et déjà, on ne sait pas bien le mesurer, déjà. Et on ne peut pas prélever nos patients absolument partout. Et effectivement, quand vous traitez quelqu'un, il n'y a plus de virus qui réplique dans le sang. Et pourtant, même après des années d'indétectabilité, sans plus qu'il y ait aucune trace, l'arrêt du traitement conduit inéluctablement au rebond viral. Et l'autre problème que l'on a, c'est face à ça, c'est le système immunitaire qui est épuisé. Et qui est épuisé de voir ce virus, ou de voir ces cellules infectées. Donc on se retrouve dans une maladie où finalement chronique, où il y a un système immunitaire épuisé et un virus caché. Et eh bien là, la recherche, depuis 2010, et toute la recherche, qu'elle soit très expérimentale, modèles animaux, etc., recherche clinique, recherche anthropologique, cherche à trouver des stratégies d'éradication de ce virus, qui impliquerait qu'on pourrait arrêter les traitements et que la personne ne soit plus infectieuse, qu'il n'y ait plus de contagion. Donc c'est un enjeu majeur. Alors les pistes sont diverses. Par exemple, il y a une piste qui a été lancée beaucoup par la France, c'était le traitement très précoce. Parce que si on empêche ces réservoirs de se constituer et qu'on empêche le système immunitaire de s'épuiser, eh bien peut-être qu'on arrivera un jour à arrêter. Et effectivement, il y a quelques patients qui sont dans cette situation, mais enfin, se compte sur les doigts de deux mains et de deux pieds. Donc ça reste, et on essaye de comprendre pourquoi ces patients-là... C'est la corde Visconti ? Voilà, la corde Visconti. Il y a quelques modèles comme ça, un peu aux États-Unis, quelques patients. Effectivement, ils ont été traités très tôt, pendant assez longtemps, 4-5 ans, et puis on arrête le traitement, et ça ne remonte pas. Et puis, toutes les autres pistes, quand même, sont des pistes de rémission, un peu comme le cancer. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un très gros parallèle entre cancer et VIH. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui prolifèrent, comme le virus. Il y a beaucoup de mutations, comme le virus. Et le système immunitaire est épuisé. Et les nouvelles thérapeutiques du cancer sont aujourd'hui des pistes identiques pour le VIH. C'est-à-dire que les nouvelles immunothérapies du cancer qui sont pour permettre, arrêter que le système immunitaire s'épuise, eh bien, on va les utiliser aussi dans le cadre du VIH. D'abord chez des patients qui ont des cancers, parce qu'on ne peut pas donner ces molécules qui sont quand même assez toxiques. Donc toutes ces pistes avancent, elles sont très complexes, mais il faut quand même qu'on se pose une question. On va proposer ça donc à des patients qui vont bien, aujourd'hui, qui sont traités à un comprimé par jour, certes tous les jours, et à qui on va proposer de rentrer dans des essais thérapeutiques pour recevoir, l'équivalent d'un an de chimiothérapie, quoi, avec de la toxicité et des choses comme ça. Donc ça va vraiment être quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Alors certes, si au bout de cette année, le pari est d'être guéri, bien sûr, mais pour autant on est dans la recherche. Et là, rien que la mise en place de ces essais est complexe. Et on a fait des études anthropos, c'est en particulier Bruno Spire qui conduit ça. Et dans les questions qu'ils ont posées, si vous participiez à des recherches sur l'éradication, quels sont vos principaux intérêts pour ça? La première chose qui sort, c'est de ne plus transmettre. Donc on reste quand même dans cette maladie, cette infection importante. Ne plus transmettre reste un enjeu majeur pour les gens qui sont infectés. Et deuxièmement, c'est de ne plus prendre des médicaments toute ma vie qui ont des effets secondaires. On en avait parlé d'ailleurs ici, hein, du recul qu'on commence à avoir aussi sur les gens qui suivent et qui ont pris des antirétroviraux depuis 20-30 ans et dont on commence à voir effectivement les effets au long cours. Peut-être pour conclure, puisqu'il nous reste quelques secondes, François Berdougo, c'est le titre de votre livre, La fin du sida est-elle possible? Ça fait longtemps qu'on l'annonce, ça fait longtemps qu'on dit, allez, c'est dans 5-10 ans, c'est terminé. Et aujourd'hui, effectivement, les recherches, comme vient de le dire Constance Delogère, sur les réservoirs sont encore à un stade très très expérimental. On voit pas exactement très bien par où attraper le problème. Alors la fin du sida, il est possible dans combien de temps aujourd'hui? C'est très très dur ce que je vous demande de faire l'arrache-pisse. Madame Irma, alors évidemment c'est une question à laquelle on ne répond pas dans le livre. Ce que nous disons dans la foulée d'autres acteurs, c'est que si on articule des stratégies biomédicales dont on a parlé, dépistage, traitement, et des stratégies de facilitation de l'accès aux soins, au système de santé et de promotion des droits des personnes, peut-être que dans le siècle actuel, on arrivera à voir une extinction, en tout cas une réduction progressive de la circulation de ce virus. Pourquoi pas la fin de cette épidémie? C'est en tout cas notre souhait à tous. Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus, La fin du sida est-elle possible de François Berdougo et Gabriel Gérard, cette édition d'Extuel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver évidemment, comme chaque jour, toute l'émission sur la page de La méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter, @lametodefc. Merci à toute l'équipe de La méthode scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Franck Eve Etienne, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontanier à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur.